إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue inshallah ta'ala aujourd'hui l'explication et la traduction du livre Al-Qawa'id al-Muthla fi sifat Allah wa asma'ihi al-husna li fadilat al-Shaykh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Et bien entendu, on a présenté la semaine dernière ce livre et l'importance de ce livre, également l'importance donc du sujet de ce livre, c'est-à-dire donc d'étudier les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que la traduction du titre du livre que l'on étudie, c'est la suivante: les règles exemplaires des attributs d'Allah et de ses noms parfaits, nom du grand savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde. On a vu que le Shir a divisé son livre en deux parties. La première partie concerne les noms d'Allah et la deuxième partie concerne les attributs d'Allah. Et on avait vu la différence qu'il y avait entre les noms d'Allah et les attributs d'Allah. Donc on avait vu que les noms d'Allah, pour donc les différencier des attributs, et qu'il y ait à partir de là une règle sur laquelle on revient, pour pouvoir donc faire cette différence et ensuite savoir qu'est-ce qui sépare les noms et les attributs par rapport à leur définition. On a vu que le nom indique deux choses. Yadullu ala shay'ain. Il indique dans un premier temps al-dhat, c'est-à-dire l'entité d'Allah Azza wa Jal. Chaque nom indique l'entité d'Allah. Et ça, on va le voir plus tard, que savoir cela, c'est important pour ce qui est également des règles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'il indique le nom, as-sifatu al-mutadam minatu lahu, c'est-à-dire donc l'attribut que contient ce nom, car on sait que tout nom va contenir un attribut au minimum. Donc le nom comprend et indique l'entité d'Allah et l'attribut qu'il contient. Yadullu ala dhat wa sifatil mutadamminati lahu. Pour ce qui est de as-sifa, donc l'attribut, lui, il indique une seule chose. Contrairement au nom, il indique uniquement une chose. Ala shay'in wahid, ala sifati faqat. C'est-à-dire que l'attribut, il indique l'attribut en lui-même uniquement. L'attribut, il indique l'attribut en lui-même uniquement. Yadullu ala sifa faqat. Comme par exemple les yeux d'Allah, comme par exemple le visage d'Allah, etc. Ala kulli hal, on reviendra sur cela, mais dans un premier temps, sachant que le Shir a divisé son livre en deux parties, première partie consacrée au nom d'Allah et deuxième partie consacrée aux attributs d'Allah, il était important de savoir dès le départ quelle était la différence entre les noms et les attributs. Ensuite, on avait vu également la première règle parmi les règles des attributs d'Allah. Et on avait vu que cette première règle c'était la suivante: Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. C'est-à-dire que les noms d'Allah sont tous parfaits. Les noms d'Allah sont tous parfaits. Et on avait expliqué cette règle-là. Et on avait vu donc, à travers la parole du Shir, rahimahullah, que les noms, soit ils étaient d'une perfection absolue et pure, et qu'ils ne pouvaient supposer en eux une imperfection. Et c'était en réalité ici le domaine des noms d'Allah. Tous les noms rentraient donc dans cela, c'est-à-dire tous les noms d'Allah Azzawajal, rentrer dans cette première catégorie, et ne pouvait rentrer dans les autres catégories. Et les trois autres catégories qu'on avait vues, c'était bien entendu ce qui pouvait supposer ou contenir éventuellement une perfection ou une imperfection. Une perfection ou une imperfection. Et on avait vu donc dans ce sens que certains noms, comme par exemple Al-Mustahzi, comme par exemple Al-Makir, donc celui qui trompe ou celui qui se moque, on avait vu que ces noms-là ne pouvaient être attribués à Allah Azza wa Jal. Tayyib. Pourquoi ? Parce que ces noms, eux, ils peuvent contenir une perfection, comme ils peuvent contenir une imperfection. Une perfection dans le sens où celui qui va répondre à la ruse d'une autre personne, il va faire preuve donc de puissance, il va faire preuve de capacité à répondre à sa ruse. Et ça, bien entendu, c'est une perfection. Mais, bien entendu, ou d'un autre côté, on pourrait comprendre également, ou dans certains cas, cela peut entraîner une imperfection. Dans le sens où elle m'acquiert, ça pourrait par exemple être une personne qui trompe à la base les autres gens. Une personne qui trompe les autres gens à la base, sans qu'il y ait donc une réponse à une ruse ou une réponse à une tromperie, etc. Donc dans ce sens, on ne peut attribuer à Allah Azzawajal ces noms, car ils pourraient contenir éventuellement une imperfection. Donc ce n'est pas des noms d'Allah comme Al-Mustahzi, Al-Makir, à titre d'exemple, ce qu'on avait dit la dernière fois. La troisième catégorie, on avait dit que c'était des noms qui en eux-mêmes pouvaient également supposer, mais de par donc notre entendement, de par notre compréhension, de par notre raisonnement, un bien ou une perfection comme une imperfection. Et on avait donné à titre d'exemple Al-Mutakallim, Al-Fa'il, etc. C'est-à-dire Al-Mutakallim, celui qui parle. Et on sait que celui qui parle, le nom en lui-même, ici, c'est bel et bien une perfection. Quelqu'un qui parle, c'est une perfection, dans le sens où la personne a la capacité de parler, contrairement à celui qui ne peut pas parler et qui n'a pas la possibilité de parler et de s'exprimer. Par contre, les paroles qui vont émaner de celui qu'on appelle mutakallim, de celui qui parle, elles peuvent être des paroles de bien, mais elles peuvent être également des paroles de mal. Donc dans ce sens-là, on ne peut attribuer à Allah Azzawajal ce nom al-mutakallim, car ça pourrait être sous-entendu, et nous on pourrait comprendre que ici, il y a dans certains cas une imperfection. C'est-à-dire qu'on va comprendre al-mutakallim, il peut très bien parler dans le mal, ou il peut très bien parler dans le bien. Donc dans ce sens, on ne peut attribuer à Allah Azzawajal également ce nom-là. Et la quatrième catégorie, et bien entendu, ici c'est plus que clair, c'est les noms qui comprennent uniquement des imperfections pures. Et bien entendu, ça ne peut être ici attribué à Allah Azza wa Jal. Ta'ala Allahu an dhalik. Naam. Donc, ayant revu maintenant et révisé ce dont on avait parlé la semaine dernière, on va pouvoir donc continuer sur le cours d'aujourd'hui, et qui est la terminaison de cette règle-là. C'est-à-dire qu'on va continuer à expliquer cette règle, la première règle, Asma'ullahi ta'ala kullu wa husna, à travers maintenant des exemples. Donc une explication à travers des exemples donnés que le cheikh lui-même, rahimahullah, il nous cite dans son livre. Dans ce qu'il a dit auparavant, donc je vais rappeler en arabe cette règle, qu'est-ce qu'elle voulait dire. يقول الشيخ أي بالغة في الحسن غايته قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا لا احتمالا ولا تقديرا Et donc on avait expliqué ces termes, le terme ihtimal, à travers donc ce qui correspondait donc à la deuxième catégorie, et wala taqdiran qui correspondait à la troisième catégorie. Donc la deuxième catégorie et la troisième catégorie qu'on a donc expliqué à travers certains exemples pour ce qui est de la deuxième catégorie al-mustahzi al-maakir, pour ce qui est de la troisième catégorie qui correspond au terme wala taqdiran comme al-mutakallim, etc. Ensuite le shir nous donne donc les exemples mithal dhalik al-hay ismun min asma'illahi ta'ala متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. Je nous dis donc al-hay, qui est le vivant, que l'on traduit par le vivant. Al-hay, le vivant, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal. Ismun min asma'illahi ta'ala. Et ce nom, bien entendu, il va comprendre un attribut. Et cet attribut qui est al-hayat, qui est la vie. Cette vie-là qui va être parfaite. Al-hayatul kamila. Une vie donc qui est parfaite automatiquement. Car ce nom est parfait. Ghayatun fil husn. Il est parfait, extrêmement parfait. Sans le moindre défaut. Et donc, il va comprendre un attribut qui est de même. Et cet attribut-là, qui est le haya, qui est donc ici, la vie, cette vie qui n'a jamais été précédée par le néant. Donc Allah Azza wa Jal, c'était le premier, al-awwal. Jamais donc, le néant l'a précédé, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire donc sa vie qui est parfaite et qui n'a pas été précédée par le néant. Contrairement donc à l'homme qui lui a une vie, qui est vivant et qui a une vie, mais cette vie qui est bien entendu naqis, qui est en fait imparfaite. Pourquoi ? Parce que notre vie elle a débuté un jour et donc elle a été précédée par le néant. Contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu une vie qui ne s'éteindra jamais. Une vie qui n'a aucune fin. Taïb, donc ça, dans ce sens, c'est une vie qui est parfaite et qui est propre à Allah. Et une vie, comme il nous dit le shir, qui va impliquer donc les kamal sifat, la perfection des autres attributs, parmi eux la science, parmi eux al-qudra, donc parmi eux al-ilm, qui est la science, parmi eux al-qudra, qui est donc la capacité, la puissance, al-sam', qui est donc l'écoute, ou al-basar, qui est la vue, et d'autres encore. Et pourquoi cela? Parce que la vie, elle va impliquer ses autres attributs, car Allah Azza wa Jal, si il détient la science absolue, la science parfaite, automatiquement, donc, on sait qu'il sera vivant. S'il a la capacité, automatiquement, on sait qu'il sera vivant. S'il entend et s'il voit, de manière parfaite, automatiquement, donc il sera vivant. Et d'autres encore. Donc, comme il dit le shir, al-hayat ou al-mustalzimat ou al-kamal al-sifat, cette vie qui va donc impliquer les autres attributs, comme la science, comme la capacité, etc. Car si Allah Azza wa Jal n'avait pas été vivant, on aurait pu être donc savant, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit, comme il dit le shir, mustalzima, c'est-à-dire qu'elle implique, elle implique les autres attributs. Ça c'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple qui nous donne le shir al-alim, al-alim, qui est bien entendu le savant. Ismun min asma'illah, c'est donc un des noms d'Allah Azza wa Jal. Mutadamminun lil-ilm al-kamil, qui va donc comprendre la science. Donc l'attribut ici c'est donc la science et l'ilm. Qui va donc comprendre la science, cette science qui va être bien entendu parfaite. Comment ça, une science qui va être parfaite? Alladhi lam yusbaq bi-jahlin. C'est tout simplement une science qui n'a jamais été précédée par une ignorance, contrairement à celle de l'homme. Ici c'est la science qui est parfaite, la science d'Allah Azza wa Jal. Cette science, vu qu'elle est parfaite, automatiquement on sait qu'elle n'a jamais été précédée par une ignorance. Allah c'est Allah a toujours su. Contrairement donc ici au cas de l'homme qui lui a cet attribut, mais cet attribut bien entendu dans son cas naqis, qui est imparfait. Pourquoi ? Parce que l'homme, avant qu'il sache et qu'il ait science, il ne savait pas, il était ignorant. Et ça c'est pour tout le monde. Lorsque l'enfant naît, lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère, ignorant, il ne sait rien du tout. C'est qu'ensuite qu'on va lui apprendre. Donc on voit la science qu'il a obtenue, c'est une science qui est naqis, qui est donc imparfaite, contrairement à la perfection de la science d'Allah Azzawajal. Et également, une science dont l'oubli ne l'atteindra jamais. Ça également, c'est dans ce sens que l'attribut de la science, dans le cas d'Allah, elle est parfaite. Et que ce nom, donc, Al-Alim, il est parfait. Contrairement également ici à l'homme. L'homme qui a une science, mais cette science-là, il peut l'oublier, ou il peut faire une erreur, ou avoir, comme on dit, un trou de mémoire, etc. Ça, c'est impossible dans le cas d'Allah, parce que sa science à lui, subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. La connaissance à son sujet se trouve auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne peut s'égarer ni oublier. Mon Seigneur ne peut s'égarer ni oublier. Donc on voit ici que cette science elle est parfaite et qu'elle ne peut être donc touché par l'égarement, par l'oubli. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Donc le shir, il va nous dire que la science d'Allah, cette science donc elle est wasir, c'est-à-dire que elle embrasse toutes choses. Al-muhit bi kulli shay'in jumlatan wa tafsilan, qui embrasse donc toute chose, que ce soit de façon générale ou alors dans le détail, et que ce soit relatif aux actes bi af'alihi ou alors af'ali khalqi, c'est-à-dire que ce soit en rapport avec ses actes à lui subhanahu wa ta'ala, ou alors que ce soit en rapport avec les actes de ses esclaves ou de ses créatures. Pour ce qui est bien entendu de ses actes à lui, subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Donc, à titre d'exemple, at-tadbir, donc le fait de gérer la planète, le fait de gérer tout ce qui se trouve et tout ce qui existe, bi-af'ali ou af'ali khalqi, et bien entendu des actes que font ces créatures. Il sait tout, subhanahu wa ta'ala, rien ne peut lui échapper, il embrasse donc toute chose, que ce soit dans les détails, les moindres détails. Et donc il a cité ensuite le verset, car il détient les clés du mystère qu'il est seul à connaître. Il sait ce que recèle le sein de la terre et le fond de la mer. Nulle feuille ne tombe sans qu'il le sache, et il n'est point de grain dans les entrailles de la terre, ni de brindilles tendres ou sèches qui ne soit mentionné dans un livre explicite. Et également donc ici ce verset de lui-même subhanahu wa ta'ala, il nous informe donc de la perfection de sa science. Un verset qui est plus que clair. Également ce qu'il va nous citer le shir comme verset. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَيَقُولُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Il n'est point de créature sur terre qui n'attendent d'Allah sa pâture, et dont Allah ne connaisse le repère et le lieu de sa mort, car tout est consigné dans un livre explicite. Naam. Et ensuite, notre verset. Il sait ce qu'il y a dans les cieux. Il a science de ce qu'il y a dans les cieux et dans le monde terrestre. Il sait également ce que vous faites en secret, comme ce que vous faites en public, comme ce que vous faites en public. Allah est celui qui connaît parfaitement le contenu des cœurs. Donc regardez cette science à travers ces versets qui sont plus qu'explicites pour donc nous informer de la perfection de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est du troisième exemple, وَمِثَالٌ ثَالِثٌ, donc ici bien entendu c'est tous des exemples des attributs à Warfan, des noms d'Allah Azzawajal, et à travers ces noms donc il va montrer le shirk qu'ils contiennent donc tous un attribut, comme on l'avait vu donc en introduction, et que ces attributs là bien entendu, que ce soit à l'exemple de la science, que ce soit à l'exemple de la vie, sont les attributs qui donc sont parfaits, et donc dans ce sens le nom d'Allah Azzawajal est parfait. وَمِثَالُ الثَّالِثِ, le troisième, الرحمن, اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة, c'est-à-dire qui va comprendre donc la miséricorde, cette clémence qui est bien entendu également ici parfaite. التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. Bien entendu ici le shir va faire référence à un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, il est passé devant une femme qui donc donnait ou qui allaitait plusieurs enfants. Lorsqu'elle voyait donc cette femme pleurer les enfants, tant elle avait de la miséricorde et de la clémence envers eux, qu'elle les prenait chacun à son tour et les allaitait pour donc les nourrir et les rassasier. Subhanallah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ça, il a donc informé ses compagnons de la miséricorde d'Allah pour leur faire comprendre que cette miséricorde elle est parfaite, que cette miséricorde d'Allah elle est parfaite. C'est pour ça qu'il dit donc dans ce hadith, lorsqu'il est passé devant elle, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah est bien plus miséricordieux envers ses serviteurs que celle-ci envers son enfant, que celle-ci envers son enfant. يعني أم سبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة. Et ensuite il nous dit Cheikh, ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمة وسعت كل شيء وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Donc il nous dit également cette miséricorde qui est vaste, al-wasi'a, qui est vaste, et dont Allah Azzawajal a dit à propos d'elle, wa rahmati wasi'at kulla shay, wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde donc a embrassé toute chose. Et wa qala an du'a al-malaika, il a dit donc à propos des invocations des anges qu'ils font donc pour les croyants, rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma. Ô mon Seigneur, Rabbana, ô notre Seigneur, ô notre Seigneur, tu embrasses toute chose par ta miséricorde et ta science. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma. Donc ça c'est un autre exemple qu'il nous a donné le shirk par rapport donc à la miséricorde d'Allah Azzawajal, qui est compris donc dans ce nom Ar-Rahman. Ar-Rahman, le clément, le miséricordieux, ou le très miséricordieux. Ensuite, il nous dit le shirk, donc à partir de ces trois exemples, c'est plus que clair, et ici donc des exemples pour nous prouver que cette règle elle est bien réelle, elle indique bien que tous les noms d'Allah Azzawajal sont parfaits. Ensuite il nous dit wal husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibari kulli ismin 'ala infiradi wa yakunu bi'tibari jam'i ila ghayrihi fa yahsulu bi jam'i al-ismi ila al-akhar kamalun fawqa kamalin. Il nous dit donc le shir que pour ce qui est donc de cette perfection al-husn ici concernant les noms d'Allah Azzawajal, ils sont suivant bien entendu chaque nom, c'est-à-dire que un nom il va indiquer un attribut et que ce nom donc est parfait et l'attribut qu'il contient est parfait. Ala infiradi tayyib, donc chaque nom isolé va contenir cette perfection. Ça c'est sous un premier donc aspect. Le deuxième aspect, il nous dit le shir, c'est lorsqu'ils sont rassemblés entre les noms. C'est-à-dire que certains noms, comme on va le voir, comme on le trouve dans le Coran, ils sont réunis. ils sont rassemblés. Et lorsqu'ils sont réunis, à l'exemple donc de deux noms, de par ces deux noms, il va advenir une perfection qui va être encore plus grande. Perfection, comme il le dit, kamalun fawqa kamalin, c'est-à-dire une perfection au-dessus d'une perfection. Perfection toujours donc supérieure. Et l'exemple qu'il va donc nous donner, c'est deux noms qu'on va retrouver dans le Coran. Ces deux noms qui sont Al-Aziz ul-Hakim, Al-Aziz ul-Hakim, deux noms donc d'Allah Azzawajal, Aziz, et ensuite Al-Hakim, donc que l'on peut, Al-Aziz, que l'on traduit par l'omnipotent, le puissant, et Al-Hakim, que l'on traduit donc par le sage, celui qui détient le jugement. فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن في القرآن كثيرا c'est-à-dire que Allah عز وجل dans le Coran il les rassemble beaucoup فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي الخاص الذي يقتضيه هو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم نعم والجمع بينهما دل على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون في أعزاء المخلوقين فإن العزيز منهم قد تأخذ العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل يعتريهما الذل. Il nous dit le Cheikh ici que lorsqu'on va rassembler ces deux noms, Al-Aziz ou Al-Hakim, on sait que Al-Aziz c'est celui donc qui va détenir la puissance, l'autorité, subhana, qui détient donc une puissance absolue, une autorité absolue sur toute chose. Al-Hakim, c'est celui qui détient donc Al-Hikmah, la sagesse, une sagesse également qui est absolue, et qui contient également Al-Hukm, Al-Hukm, le jugement, qui a donc Allah Azza wa Jalla le jugement parfait, Al-Hukm ou Al-Hikmah. Donc ici on voit que, pour ce qui est de Al-Hakim, on en tire donc deux attributs. Comme on l'a dit, ça également, c'est valable pour les noms d'Allah Azza wa Jalla que l'on peut tirer plus d'un attribut, comme on l'a signalé auparavant. C'est le cas ici pour ce qui est de Al-Hakim. Taïb, maintenant, pourquoi ces deux noms, ils ont été rassemblés dans le Coran? Et le Cheikh va faire apparaître ici, à travers donc cette règle qu'on a citée, que tous les noms ils sont parfaits, il va nous faire apparaître Al-Hikmah, il va nous faire apparaître donc ici la sagesse. Il nous dit, tout simplement, que la puissance et l'autorité d'Allah Azza wa Jalla, elle est reliée à sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Maqrunatun bil hikmah, in'am. Il va nous donner un exemple pour nous prouver ici que c'est une perfection, que Allah Azza wa Jalla possède l'autorité, il possède la puissance absolue, et que lorsque donc, et ce nom en soi-même, et cet attribut donc qu'il contient, en soi-même, bien entendu, c'est une perfection. C'est une perfection, sans nul doute. Mais lorsque, en plus, cela est relié à la sagesse absolue, alors on va obtenir ici une perfection encore supérieure. Enam. Pourquoi cela? Il va nous donner l'exemple d'homme. Il se peut qu'un homme, il ait donc cette autorité. Bien entendu, dans son cas, c'est toujours naqis, c'est toujours, bien entendu, imparfait. L'autorité simplement par rapport à une contrée, simplement par rapport à ce qu'il détient sous son autorité, il ne peut rien faire, bien entendu, sans l'autorisation d'Allah, sans la prédestination d'Allah, etc. L'autorité que l'homme possède, lorsqu'on dit donc qu'il détient donc autorité, qu'il a un izza, mais cela, bien entendu, dans le domaine de l'imperfection. C'est le cas pour tous les hommes. Il se peut que lorsqu'il ait cette autorité, il abuse de son autorité et il devienne donc à ce moment-là un zalim, un injuste. Et que de par cette autorité, il va faire du mal, il va faire preuve d'oppression, il va oppresser autrui. Ayyadun billah. Ici, bien entendu, c'est un grand mal. et c'est une grande imperfection. Pour ce qui est d'Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala, on sait que cette autorité, qui est en elle-même une perfection, elle est reliée donc à sa sagesse. Et de par sa sagesse donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il va donc avoir une autorité qui va être supérieure et parfaite. Jamais ne l'atteindra cette autorité à dhulm, l'injustice, envers ses créatures, jamais. Car il est al-hakim, celui donc qui possède la sagesse. Et cette sagesse donc, qui va impliquer la justice dans toute chose. Ensuite, maintenant, on a vu pour ce qui était de l'aziz. Si on prend maintenant al-hakim en lui-même, c'est également un nom. Un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui contient, qui comprend comme attribut al-hikma, ou al-hukm, comme on a dit, le jugement, également donc la sagesse. Cette sagesse et ce jugement, ils vont donc être liés, eux ici, bil-'izz al-kamil, c'est-à-dire par l'autorité et la puissance totale. Enam. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il est sage, ce nom, il comprend la sagesse, et cette sagesse, donc, c'est une perfection, mais elle est en plus reliée à l'autorité et à la puissance. À l'autorité, à la puissance et sagesse. Ce qui fait donc d'elle qu'elle sera encore plus parfaite. Elle sera encore plus parfaite. Contrairement, par exemple, à l'homme qui va posséder une sagesse bien entendu qui est imparfaite, mais cette sagesse-là, si elle n'a pas, ou qui possède par exemple un bon jugement, qui sait juger les choses, mais lorsqu'il n'a pas de pouvoir, il est donc impuissant. Et donc sa sagesse ne lui sert à rien du tout. Parce qu'il est impuissant. Il ne peut donc appliquer cette sagesse. Donc on voit ici que c'est l'impuissance, une imperfection par rapport à l'homme. Tayyib, pour ce qui est d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit ici que donc cette sagesse, lorsqu'elle est reliée, et ce jugement qu'il a, subhanahu wa ta'ala parfait, lorsqu'elle s'est réunie, reliée en plus donc à al-izza, la puissance, donc on voit qu'il advient ici une perfection supérieure, totale, parfaite. Et donc ici, on est bien dans la démonstration de la sagesse qui est présente lorsqu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il va donc rassembler, relier deux noms. Comme ici l'exemple, Al-Aziz al-Hakim. Ça donc, c'est une faïda. C'est un supplément que le Cheikh nous a donné en plus donc de l'explication de cette règle, et que cela donc comprend les noms, qu'ils soient donc isolés ou alors certains noms qui sont donc rassemblés. Bien entendu, c'est pas le cas pour tous les noms, mais pour certains noms, et on va le comprendre ensuite dans le Coran par rapport donc au sens, on va en comprendre donc la sagesse. Ensuite, on va passer donc à la deuxième règle. Cette deuxième règle, c'est la suivante. يقول الشيخ رحمه الله القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. Donc il va nous dire, le Cheikh رحمه الله, que les noms d'Allah عز وجل, les noms d'Allah عز وجل, qu'est-ce qu'ils sont en réalité? Il nous dit أعلام وأوصاف. A'lamun, qui est donc le pluriel de alam. Et awsafun, qui est le pluriel de wasf. A'lam, qui est le pluriel de alam. Et awsaf, qui est le pluriel de wasf. A'lam ici, que l'on va traduire par les noms propres. Noms propres. Tayyib. Comme par exemple, le fait de connaître une personne, et de savoir donc qu'il est nommé Mohammed, c'est son nom propre. Et lorsqu'on va l'appeler, on va lui dire Ya Mohammed, ou alors Ya Sultan, ou Ya Fulan, automatiquement on va l'appeler par son nom propre et on va le désigner lui, de par son entité. Tayyib, hada a'lam. Wa awsaf, wa awsaf. Donc on a dit qu'il est le wasf, et qui est donc la description. Donc le fait de décrire une personne. Dans l'exemple, bien entendu, pour comprendre le terme, dans l'exemple donc des êtres humains. Le fait de le décrire comme étant une personne qui a une forte personnalité, personne qui est généreuse, personne qui est forte, etc. Donc, A'lam wa Awsaf. Ici, Asma'ullah, les noms d'Allah Azzawajal, sont donc A'lam wa Awsaf. Pour reprendre les termes en arabe. Il va nous dire le shir, A'lamun bi'atibari dalalati ala dhat, wa Awsafun bi'atibari ma dallat alayhi min al-ma'ani. وهي بالاعتبار الأول مترادفة للدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا. Le cher donc il va nous dire dans cette règle qui est la deuxième de son livre, il va nous dire donc que les noms d'Allah Azzawajal, ils sont en réalité des noms propres, dans le sens chaque nom va donc indiquer l'entité d'Allah, tout simplement. Rien de plus simple à comprendre. Lorsque tu dis maintenant Al-Alim, tu vas désigner qui par cela Al-Alim, tu vas désigner Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vas dire Al-Hayy, tu vas désigner qui? Tu vas désigner Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque dans le Coran tu trouves donc tous ces noms, tu sais que Allah il a désigné lui-même subhanahu wa ta'ala. Al-Sami' Al-Basir Al-Rahman, lorsque tu entends Al-Rahman, tu sais que c'est Allah qui est désigné. Tayyib. Ici donc c'est pour faire comprendre, comme on avait dit au départ, c'est une personne s'appelle Mohammed, lorsque tu l'appelles par son nom Mohammed, on sait que c'est cette personne que tu vas désigner. S'il avait donc plusieurs noms, cette personne, et que ça serait connu des autres, et qu'il serait donc unique de par ces noms-là, chaque fois qu'on l'appellerait par un nom, on saurait que c'est cette personne même qui est voulue. Ici, subhanahu wa ta'ala, il a donc des noms. Et à chaque fois que l'on va désigner Allah Azzawajal de par un nom, on va le désigner de par son entité. C'est ici tout simplement ce que ça veut dire, A'lamun. Et on va voir en réalité, même si ça paraît simple, que c'est une règle qui est très fondamentale pour comprendre par la suite les noms et les attributs, et que dans ce sens, beaucoup des gens de l'innovation sont égarés. Inam. Donc ce qu'on dit, des moments ça peut paraître simple, mais on va voir que bien les assimiler, bien les comprendre et bien les maîtriser, ça va avoir des conséquences pour la suite, c'est-à-dire donc comprendre réellement pourquoi et comment les gens, l'innovation se sont égarés, et comment nous revenir donc à nos bases, qui sont claires et nettes et prises du Coran et de la Sunna. Tayyib, il va donc nous expliquer, wa awsafun, donc ça c'est le deuxième, wa awsafun, bi'atibari ma dallat alayhi min al-ma'ani. C'est-à-dire que les noms, ils désignent chacun d'eux une description d'Allah Azzawajal, un adjectif d'Allah Azzawajal. Tayyib, c'est-à-dire que lorsque tu dis Al-Qadir, donc le puissant, tu vas désigner dans un premier temps Allah. Yanna Asma'ullah Ta'ala A'lam. Et tu vas désigner la capacité d'Allah Azzawajal, la puissance d'Allah Azzawajal, qui est donc le Tout-Puissant. Donc ici, Awsaf. Awsaf. Le Cheikh nous dit, Wahiya. بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلْ مُتَرَاجِفَةٌ لِدَلَالَتِهِ عَلَى مُسَمَّ وَاحِدٍ. C'est-à-dire, de par son premier aspect, طيب, c'est-à-dire A'lam ici, il veut dire par là le cher A'lam, c'est en réalité des synonymes. Ce sont tous des synonymes, les noms d'Allah, dans ce sens-là, sous cet aspect-là. Na'am, sous cet aspect-là, بِاذَ الْاِعْتِبَارِ. Pourquoi cela? Parce qu'ils désignent tous une seule entité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et na'am. C'est-à-dire, lorsqu'on dit Al-Qadir ou Al-Sami', on n'a pas dit pour Al-Qadir, ça, c'est une divinité. Ensuite, Al-Sami', c'est une deuxième divinité. Ensuite, Al-Basir, c'est une troisième divinité. Chacun a des noms. Là. Tous ces noms, ils désignent la même entité. Et qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Dhat. Usamma wahid. Wa Allahu azza wa jal. Wa bil-i'tibar al-thani, mutabayinatun lidalalati kulli wahidin minhuma ala ma'na ul-khas. C'est-à-dire qu'ensuite, sous le deuxième aspect, et qui est ici Awsaf, donc chaque nom a sa propre signification, a son propre sens. Et par là, on va comprendre que Al-Alim, Et donc ils sont distincts, mutabayina, ils sont distincts, séparés. Chaque nom donc est séparé sur cet aspect-là. C'est-à-dire que, comme il dit le Cheikh Al-Qadir, c'est pas Samir. Dans le sens que Al-Qadir, ça veut dire le puissant. Et Samir, ça veut dire celui qui entend. Donc on voit bien qu'ils sont distincts, ces deux noms. Par rapport à leur description, est-ce qu'ils ont pour signification à Ousaf? Mais ils sont, ces noms, ils sont les mêmes lorsqu'on revient à l'entité d'Allah. Parce que ils désignent Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Tout simplement. C'est ce que veut dire cette règle. Et il va nous prouver cela, le shir, à travers deux versets du Coran. Il dit وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم والمتصف بالرحمة ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمع ولا بصير إلا لمن له بصر. Il nous dit le cher ici, pour ce qui est du premier verset, il va nous dire donc qu'on a dit A'lam wa Ousaf. Pourquoi? Parce que simplement c'est les versets du Coran, ou le Coran qui nous a indiqué cela. Dans le premier verset, Wal Ghafur Rahim. Wal Ghafur Rahim. Donc il est l'indulgent, le très miséricordieux. Il est l'indulgent, le très miséricordieux. Wal Ghafur Rahim. Dans un autre verset du Coran, et on sait que le Coran, il s'explique par Coran, dans un premier temps. Et donc, on va voir ici l'explication de ce nom. Lorsqu'Allah Azza wa dire, وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ذُو الرَّحْمَةِ. C'est-à-dire, et ton Seigneur est l'indulgent, qui possède la miséricorde. Donc, on voit ici le Ghafour, comme auparavant, dans le verset le Ghafour. Dans le premier verset, c'était Ar-Rahim, et dans le deuxième verset, c'est Dhu Rahma. Et Dhu, on sait que ça veut dire ici celui qui possède. As-Sahib. Dhu, c'est ici As-Sahib, celui qui possède. Celui à qui ça appartient. C'est ça le sens de ce terme ici. Dhu. Wa Rabbuka al-Ghafur Dhu Rahma. Donc on a compris ici. Comme il va nous dire le Cheikh. Fa'in al-Ayat al-Thaniya, dallat ala anna al-Rahim wal-Muttasifu bil-Rahma. Le deuxième verset nous a prouvé que le nom qui était cité dans le premier verset, Ar-Rahim, c'était celui qui possédait donc et qui était donc décrit par Ar-Rahma, la miséricorde. Tout simplement. Parce qu'on a vu que Ar-Rahim, il était ensuite désigné par Dhur-Rahma dans le deuxième verset. Ça veut donc dire que celui qui possède la miséricorde. Donc, Ar-Rahim, c'est un nom. Et c'est un nom d'Allah Azzawajal qui désigne donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce sens, c'est un nom propre qui est Allah, un nom propre à Allah subhanahu wa ta'ala, car il désigne Allah. Mais également, il désigne donc al-wasf, il désigne donc la description. Il désigne et il comprend donc sifa, qui est ici donc la miséricorde, lorsqu'on a vu dhur-rahma, c'est-à-dire sahib-ur-rahma, celui qui possède donc la miséricorde. Donc c'est clair pour ce qui est de cette compréhension. Et c'est pour ça qu'il va nous dire également le chien. Non seulement donc, c'est de par le Coran qu'on comprend cela, mais également c'est de par le consensus des gens de la langue et de ceux qui connaissent donc l'usage de cette langue arabe. Et que personne n'a dit parmi ces gens-là, jamais il y a un jour, une personne parmi les savants de la langue arabe qui est venu dire cette parole, c'est-à-dire « alimun bila'in », on va le voir plus tard. C'est-à-dire que personne parmi les gens de la langue est venu dire que lorsqu'on dit alim, c'est-à-dire savant, automatiquement, ça veut dire que on désigne une personne par cela, par ce nom, lorsque on sait qu'il possède donc la science. Tu dis pas d'une personne, c'est un savant, s'il n'a pas de science, ce serait complètement incompréhensible, ça serait illogique. De même, tu dirais pas d'une personne qu'il est entendant alors qu'il est complètement bouché. Tu dirais pas d'une personne qu'il est voyant alors que c'est un aveugle. Donc ça, comme il dit les chers, c'est quelque chose, on n'a même pas besoin de le prouver. C'est tellement illogique. Et on va voir que malgré cela, pour voir donc l'égarement des gens, subhanallah, l'égarement donc des sectes, tellement ils ont cette bêtise, ayadun billah, cette imbécilité pour dire donc des choses pareilles, et en plus quand ça concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va nous dire donc le shir, وَبِهَذَا عُلِمَا ضَلَالُ مَنْ سَلَبُوا أَسْمَعُ اللَّهِ تَعَالَى مَعَانِيهَا مِنْ أَهْلِ التَّعْطِيلِ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمِيعٌ بِلَا سَمْعٍ وَبَصِيرٌ بِلَا بَصَرٍ وَعَزِيزٌ بِلَا عِزَّةٍ وَهَكَذَا وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ ثُبُوتَ الصِّفَاتِ يَسْتَلْزِمُ تَعَدُّدَ الْقُدَمَاءِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عَلِيلَةٌ بَلْ مَيِّتَةٌ لِدَلَالَةِ السَّمْعِ وَالْعَقْلِ عَلَى بُطْلَانِهَا. Il va nous dire donc le shir, malheureusement, que parmi ceux qui ont donc عَطَّلُوا, qui ont donc renié les attributs d'Allah Azzawajal, comme c'est le cas des Al-Mu'tazila, qui ont renié tous les attributs d'Allah Azzawajal, et qui ont dit Sami'un bila sam, Sami'un bila sam, c'est-à-dire celui qui entend, yani l'entendant, Sami'un, mais sans qu'il ait d'écoute. Wa basirun bila basar, c'est-à-dire qu'il est le voyant, nous donc on atteste qu'il est le voyant, mais on renie qu'il possède la vue, subhanallah. Wa azizun bila izzah, on atteste qu'il est le tout-puissant, mais sans qu'il ait de puissance, subhanallah. Et ces gens-là, le Mu'tazila, titre d'exemple, et d'autres qui sont égarés parmi Ahl al-Ta'til, comme nous dit le Shir, nous ont donné donc une explication. Essayez d'argumenter ce qu'ils ont avancé, et qui est complètement donc caduque, ayadun billah. Et ils vont dire tout simplement, donc on va voir ici l'utilité de connaître la règle qu'on a vue auparavant, et également dans ce qu'on verra plus tard. Il va nous dire tout simplement que lorsque on va attester plusieurs sifat, on va attester en réalité plusieurs attributs, cela va impliquer ta'addud al-qudama, comme il dit le shir. Ta'addud, c'est la multiplication. Al-qudama, eux ils disent en fait, ces gens-là ils disent al-qudama, qui est le pluriel de qadim, al-qadim. Il veut dire par là, bien entendu, la multiplication des divinités. C'est-à-dire qu'il y aurait plus d'une divinité si on attestait donc ses attributs. Hadith sifat. Et pourquoi ils disent Al-Qudama, et qui est donc le pluriel de Al-Qadim? Parce que chez eux, l'attribut, ou ce qu'ils attestent comme attribut, et qui est le plus particulier auprès d'eux, c'est ce qu'on appelle Al-Qidam. C'est tout simplement l'éternel, c'est-à-dire qui n'a pas été précédé par le néant, celui donc qui est éternel et qui n'a jamais été précédé par le néant. C'est cette façon qu'on va traduire Al-Qadim Tayyib, et donc c'est pour ça qu'ils ont dit Al-Qudama, qui nous rappelle donc ce cher leur expression Ta'addud Al-Qudama. C'est tout simplement donc la multiplication des divinités. Ça voudrait dire que si maintenant moi je dis que Allah il est Al-Basir, mais lorsque je dis il est Al-Basir qui donc il a la vue, et si je dis qu'il est Al-Samir et qu'il a qui possède donc l'ouïe, qu'il entend donc subhanahu wa ta'ala, automatiquement ça va impliquer cela que j'ai attesté plusieurs divinités. Et va nous dire le shir tout simplement que cette explication, cette argumentation, elle est caduque, elle n'a aucune valeur. Elle est meïta, elle est morte, nulle. L'idalalati sam wal'aql ala butlania. C'est-à-dire de par l'indication. As-sam, lorsqu'il dit le shir as-sam, c'est en réalité al-dalil al-naqli, ce qu'on appelle un naql. C'est-à-dire ce qui vient du Coran, de la Sunna, ce qui a été retransmis. Ce qui nous a été donc retransmis. Et la transmission, ou arfon, la révélation, qui nous ont été retransmis, c'est bien entendu le Coran et la Sunna, et c'est nous ce que l'on entend en réalité, ce que l'on va apprendre, ce que l'on va entendre. C'est pour ça qu'il dit Assam, ça veut dire ici un naql, c'est-à-dire dalil un naql. Il va donner donc une preuve du Coran ou alors de la Sunna, ou des deux. Wal aql, bien entendu, c'est ici le rationnel, le domaine donc du rationnel, ce que nous on va comprendre suivant notre raison, suivant donc notre propre raisonnement, le raisonnement humain. Et donc de part ces deux domaines d'argumentation, il va annuler ce qu'ils ont avancé, et qu'à travers en réalité cette argumentation, il va également le shir nous donner une faïda. Ça va prendre un petit peu de temps pour l'expliquer, donc je ne vais pas commencer ici l'argumentation. On la laisse donc pour le prochain cours, inshallah ta'ala. Et on aktafi bi dhal qadr. Ça fait déjà une heure de cours, hein. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.